Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez des devoirs, des tas de choses à faire et vous obtiendrez un oubli mortel. Je vais mourir. Ce matin, juste après mon petit déjeuner, j'ai oublié de faire ma rédaction. En même temps, c'est la faute des parents. On n'avait qu'à pas passer un super week-end au parc d'attractions. Bon, j'aurais déjà dû la rendre lundi dernier. Comment j'aurais pu y penser? J'ai été invité à 3 anniversaires. Monsieur Girard m'avait donné une semaine de plus en écrivant un mot dans mon cahier de liaison. J'avais tellement honte que j'ai imité la signature de maman, pensant que j'aurais le temps. Demain, le mot sera une convocation. Alors, plutôt mourir demain que d'être puni à vie. Mais j'espère que je m'ennuierai pas trop. Et surtout, que je n'attraperai pas trop froid, parce que le week-end prochain, je vais faire mon exposé sur les hamsters. Et avec mon club de danse, on donne un spectacle pour les personnes âgées du quartier.